Vous écoutez toujours l'émission Web Musique. L'émission avait débuté à 19h. Donc, pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, avant la pause, on a entendu Perez One, la pièce Good Robot. Puis, c'était précédé par deux pièces de l'artiste, mon Dieu, qui s'appelle Suan. Deux pièces, donc, on avait entendu Penumbra et c'était précédé par Septembre. Deux pièces sur l'album Gioventù Emotronica. Donc, un peu de Emotronic qui nous vient d'Italie. L'artiste s'appelait Suan. On poursuit l'émission avec une étiquette. Je vous en ai déjà fait passer un peu de cette étiquette-là à l'émission. Je les adore. C'est une étiquette qui nous vient de la Pologne qui s'appelle Kunabu. Qui se spécialise surtout dans le dub, donc c'est la musique assez planante. On va se reposer un peu les oreilles avec leur musique parce que le prochain bloc après cette musique-là, c'est assez, ça peut être assez ardu, faut avoir l'esprit assez ouvert, donc on va débuter en douceur. On va entendre tout de suite trois pièces qui sont sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Dub Band 2. Donc, c'est une compilation de musique dub. Le premier artiste que je vous fais entendre, c'est un artiste allemand qui s'appelle Dub Suit. La pièce Schlaf, excusez mon allemand. Puis, ça va être suivi par Biodub, la pièce Embers. Ensuite de ça, on va entendre Peak avec la pièce Dark Suit. Peak qui nous vient de l'Italie, donc. On commence tout de suite avec Dub Suit avec Schlaf Thank you. Thank you. Thank you. On vient d'entendre trois pièces quand même très planantes. C'est sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Dub Band 2. Donc, c'est une compilation qui est sur l'étiquette polonaise Kunabu. Vous venez tout juste d'entendre la pièce Dark Suit par Peak, un artiste italien. C'était précédé par Biodub avec sa pièce Embers. Puis, on avait débuté le bloc avec Dub Suit, la pièce Schlaf Schlauf. Donc, on va poursuivre avec une autre artiste qui est sur la même étiquette, donc l'étiquette Kunabu. L'artiste s'appelle Fabienne, c'est une Polonaise. Je vous fais entendre sa pièce Inspiring Square. Vous écoutez Web Music à CKRL. Ouvert depuis 1985, le Bal du Lézard, situé au cœur du magnifique quartier de Limoilou, est un classique pour les étudiants. Voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les jeudis et samedis soirs, de la vodka, une spécialité offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, Internet sans fil gratuit, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe, soit pizza ou hot dog européen, du baby-foot gratos les mardis, des expositions. Le Bal du Lézard, 3e avenue à Limoilou, 529-3829 ou lebaldulézard.com. Au Bal du Lézard, vous n'aurez plus le sang-froid. Du 13 au 24 août, le 89.1 diffusera directement du carrefour agroalimentaire d'Expo Québec l'émission L'Heure gourmande de 16h à 17h. Tania Beaumont recevra au Petit Bistrot de la Société des alcools du Québec des producteurs de vin, des spécialistes de la sommellerie et spécialistes de la bière. Initiez-vous à la dégustation de vins spiritueux d'ici et de loin. Stimulez vos papilles gustatives du 13 au 24 août, de 16h à 17h, le tout sur les ondes de CKRL 89.1, votre radio des découvertes. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie encore pour une bonne demi-heure. C'est François Gécouillard qui va suivre par la suite avec son émission Hors Limite. Donc, avant la pause, on avait entendu Fabienne, une Polonaise sur l'étiquette Kunabu. C'était sa pièce Inspiring Square. Pour poursuivre l'émission, on va entendre une maître du collage musical. Il s'agit de Vicky Bennett qui opère sous le nom de People Like Us. Je vous fais passer trois pièces qui sont sur son album All Together Now. Je vais débuter avec la pièce Every Day. Ça va être suivi par Stand By Your. Et enfin, on va entendre Green Green Grass. Pour tout de suite, People Like Us, la pièce Every Day. Admit you love me, and so how am I ever to know. You always tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over and you again. You only answer doing things that you don't understand. If you can't make your mind up, you we'll never get started. And I don't want to wind even up beating hearted, broken understand. Hearted. You don't because of him. And please don't tell me. After all, perhaps, he's just a man. If you can't make your mind up, we'll never get started. I know the world you and I don't want to wind up being hearted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, confess. And please don't tell me. Vous venez d'entendre trois pièces de Vicky Bennett, alias People Like Us, trois pièces qui sont sur son album All Together Now. On vient tout juste d'entendre Green Green Grass, c'était précédé par Stand By Your. Et enfin, on avait débuté avec la pièce Every Day. Pour la dernière partie de l'émission, je vous fais entendre un album complètement expérimental, rempli de sampling. Avis à ceux qui sont en train de faire une psychose, je vous demanderais de peut-être fermer la radio pendant un petit bout de temps ou du moins changer de poste. Ça peut réanimer quelques trucs. Donc, c'est sur l'étiquette Phonotactics, une étiquette du Portugal qui distribue en copyleft, donc en directe opposition au copyright. Je vous fais entendre l'artiste Kinder Mechanic, alias Francisco Costa, qui nous vient du Portugal. Je vous fais entendre trois pièces sur son album Contradiction Level. C'est un album qui a été entreposé pendant 9 ans, qui donc l'artiste a pris beaucoup de temps avant de faire cet album-là. Je vous fais entendre trois pièces, donc la première s'appelle Inserting, la seconde s'appelle Sophisticator 03, puis enfin la dernière Funny Games, que vous allez entendre plein d'extraits de vieux jeux vidéo. Donc Kinder Mechanic avec la pièce Inserting. Ensure the optimum performance of your computer. Selecciona el nivel de instalación. Is it front or the bottom? Oh. Intruder calling. Your sound works perfectly. Thank you for playing. Si votre niveau de stress n'était pas élevé, ben après l'écoute de ça, c'est sûr que ça l'a monté un peu. C'était Kinder Mechanic, alias Francisco Costa du Portugal. Il nous présentait trois pièces sur l'album Contradiction Level. On vient tout juste d'entendre Funny Games. C'était précédé par Sophisticator 03. Puis on avait débuté avec Inserting. C'est sur l'étiquette portugaise Phonotactics. C'est déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous avez entendues à l'émission. Pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusic.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Je vais vous laisser entre les bons soins de M. François G. Couillard avec son émission Hors Limite. Puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h, de 20h à 21h pour une autre émission de Web Music. D'ici là, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Les Nuits en Musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marco. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marco. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs.